blocks a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! It's down! It's down! He did it! He did it! Absolutely did it! Passing, here's a shot! Henderson made a wild stab toward Spell. Here's another shot right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Roger. Oh, the man is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going to go into the end zone. Have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. Moi, je suis votre tonton Nicolas Duchamp, à mes côtés Pierre-Luc Giroux. Pierre-Luc, on a un très gros show aujourd'hui, je te demande même pas comment tu vas. Bon, on n'a pas de temps à perdre avec ça. C'est pas intéressant aujourd'hui. Non, ouais, mais tout le temps. si vous voulez nous rejoindre en studio, c'est le live en commercial inconduitedepartie.com, notre site internet www.inconduitedepartie.com. Cette semaine à l'émission, c'est les séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont passé à la deuxième ronde. Oui, déjà. Donc, ça n'a pas été long. Hein. Non, on n'a pas eu trop de surprises. Non, ça a été... Pas vraiment. Plutôt rapide. Très rapide. Juste Montréal qui s'était un petit peu plus long. Ah, six matchs. Donc, Pierre-Luc va nous livrer toutes tes impressions, ta première ronde, ce qu'il entrevoit pour la deuxième ronde, etc. En deuxième partie de l'émission, on reçoit deux personnes, un propriétaire de l'école de combat Noctagon et Jean-Philippe Giroux qui est combattant. On va parler des arts martiaux professionnels, les MMA, comme les combats ultimes. Donc, ça va être très intéressant. C'est la deuxième partie d'émission. Mais tout d'abord, aux activités de la semaine. Alors, cette semaine, la finale de soccer s'est disputée, soccer intérieur. Malheureusement, les Patriots n'étaient pas là, on le sait. Là, ils ont été éliminés la semaine dernière chez les hommes. C'est Laval qui affrontait l'UQAM. L'UQAM avait affronté les Patriots 3-1, avait éliminé les Patriots 3-1. Les joueurs des Patriots pourront au moins se vanter d'avoir été éliminés par les champions de la Ligue parce que les Citadins, ils l'ont emporté 3-2 contre le Rougeard. Chez les femmes, même situation pour les Patriots. C'était les Carabins de Montréal qu'ils avaient éliminés. Les Carabins ont remporté le championnat par la marque de 3-1. Eux qui affrontaient les Martlets de McGill. Fait qu'ils n'ont pas perdu contre n'importe qui. Non, c'est dans ça, le fond, c'est les ça. Patriots, on va se donner une petite tape dans le dos. Ouais, au moins, c'est déjà ça. T'as perdu contre les champions. On a révélé les équipes d'étoiles chez les hommes et chez les femmes pour la Ligue. Dans la première équipe d'étoiles, le seul représentant des Patriots est Benjamin Petitjean, le milieu de terrain. Dans la deuxième équipe d'étoiles, par contre, plusieurs personnes, le gardien Rock Goyette, l'arrière Daniel Dupont, l'arrière Pierre-Charles Lahaye, le milieu de terrain Marc-Antoine Simard et l'attaquant Ghislain Tapsoba. D'ailleurs, Ghislain a été nommé meilleur esprit sportif de la Ligue, donc félicitations à lui. Chez les filles, dans la deuxième équipe d'étoiles, on a eu deux représentantes, Rosalie Cadieux et Gabrielle Rivet, qui sont tous les deux des milieux de terrain. Donc, félicitations à eux. C'était aussi la finale de hockey, le tournoi de la Coupe Université, qui se disputait en fin de semaine. Donc, c'était en direct du Fort Williams Garden de Thunder Bay. C'était les Varsity Reds du Nouveau-Brunswick qui affrontaient les Mustangs de Western Ontario. C'était une victoire de 4-2 de UNB. Je l'avais dit que UNB allait être puissant. En effet, ils l'ont été. Je m'attendais pas à ce que Western se rende en finale, mais félicitations, ils l'ont fait. Surprise! Pas surprise, mais c'était serré comme tournoi quand même. Donc, on l'avait dit, c'était des matchs un peu, c'était un tournoi à la ronde. Je suis pas tout à fait en accord avec le format, là, mais parce que McGill a battu Western. Okay. Mais parce qu'ils ont perdu contre St. Mary's, puis Western a battu St. Mary's 7-2, c'est Western qui a avancé au niveau des différences de points. Ouais, c'est ça des tournois round robin comme ouais. Ça, c'est ça que ça donne. Ça laisse pas grand. C'est pour ça que je préfère la Coupe Memorial. Ouais. C'est pas mal plus. Il y a peut-être un petit peu trop d'équipes, mais en tout cas, on changera pas le monde ce matin. Donc, c'était la troisième fois que les Reds gagnait le championnat. La dernière fois qu'il l'avait fait, c'était contre les Patriots, justement, en 2002. Félicitations au joueur Lachlan McIntosh, qui a réussi un tour du chapeau dans cette partie. Et finalement, écoute, j'ai goût de parler de boxe un peu. J'ai entendu de parler de boxe. Ben oui, certainement. Des gros galas qui s'en viennent. Gros galas, on va parler un petit peu de boxe. Tu reconnais ça? Tu reconnais ça? La petite toune de Nintendo. La toune de Punch-Out. Ouais, ouais. Hein, on va parler de boxe, on est concept. Donc, on en parlait un petit peu, le gala de boxe qui a lieu en fin de semaine, le 4 avril, au Centre Bell. On l'avait parlé, on l'avait dit, ça avait été... Ça s'annonçait très mal là au niveau de l'organisation, c'était tout croche, puis le promoteur va probablement se faire poursuivre, en tout cas c'est désisté. Donc c'est Interbox qui a eu la charge d'organiser ça. On se rappelle la carte finale, le gros événement, c'est Tim Bradley contre Kendall Holt, champion WBC et champion WBO, qui vont avoir un titre d'unification. Bon ben, Adrian Diaconu, surnommé le requin, le shark, va participer au gala, lui qui est champion du monde aussi. Diaconu est présentement agent libre sans compensation, mais devrait signer avec Interbox dans pas très long. Là, on en parle dans les prochaines semaines. Il va affronter David Whittam, qui lui se préparait pour un combat ici même à Trois-Rivières. Dans un gala qui s'en venait, malheureusement, ça a été cancellé. Donc, il va affronter Diaconu. Personnellement, il va se faire tuer, mais bon... C'est ça fait longtemps qu'il attend. Lui, je pense qu'il y avait même un match qui était supposé avoir lieu en Italie. Diaconu? Ouais, c'est exactement ça. Les ça a deux... été reporté. Finalement, ça va être à... ça a été supposé être à Trois-Rivières. Finalement, c'est à Montréal. Non, pas Whittam allait se battre à Trois-Rivières. OK, Whittam allait se battre à Trois-Rivières. Diaconu se battait en Italie. C'est ça, mais ça a été annulé. Ça a été annulé. Donc, les deux, au moins, sont en shape de boxe. Au moins, ils sont corrects pour boxer. C'est pas comme si tu le ramasses puis t'arrêtes ça là. Tu dis, let's go, vas-y. Donc, au moins, ils sont prêts. Donc, ils vont s'affronter. Je pense pas que ça va être très, très bon pour lui. Mais bon, on verra. Ben, écoute, ça allait tellement pas bien dans ce gala-là. Donc, ce qu'il a fallu qu'ils fassent, ils ont coupé le nombre de places. Au début, c'était toute la salle belle au complet. Ils ont réduit ça de moitié. Ils ont baissé les prix de 33%. Donc, écoutez, si vous avez jamais vu de boxe, ça va être intéressant. C'est une très bonne carte de boxe en tant que telle. C'est juste que malheureusement, au Québec, s'il n'y a pas de noms locaux, on est dans le trouble en tant que telle au niveau de l'organisation. Parce que c'est quand même deux très bons boxeurs. Là. Oui. Puis t'as Andrade qui est en sous-carte aussi. Donc, non, ça va être intéressant. Et finalement, NCAA au tournoi au Final Four. Il est décidé au Final Four. Michigan State University va affronter UConn d'un côté. De l'autre côté, c'est UNC, les Tar Heels de North Carolina qui vont affronter Villanova, comme je l'avais dit. Je suis fier de cette prédiction-là. Oui, bravo. Donc hey, merci. Je suis un peu de sarcasme dans ta voix. Donc, ça va être très... Manquez pas ça en fin de semaine. Ça va se diriger là. Puis le championnat national est le 6 avril. Dernière nouvelle, Pierre-Luc. Oui, une petite nouvelle aussi sur les estacades de Trois-Rivières au Midget 3. Qui ont remporté leur série de demi-finale face au Collège Charlemagne. On est maintenant rendu en finale. On affronte Laval-Bourassa. On a perdu le premier match mardi soir par la marque de 6-2. Mais on continue là, les estacades. Je pense qu'on est capable de rebondir. Le prochain match est jeudi soir, toujours à Laval-Bourassa. Ben merci beaucoup, Pierre-Luc. Hey, on s'en va en musique avec un retour en arrière de l'année 2001. Voici du groupe du défunt groupe Penelope, voici Pawn Shop sur les ondes de C'est Fou 89.1. voulez bien me dire ce que vous faites là? Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Donc, on l'a dit, Pierre-Luc, on est rendu en deuxième ronde dans le hockey junior majeur du Québec. Ouais. Ça commence très bientôt. Ça commence ce vendredi. Ce vendredi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en première ronde? Ben, en première ronde, je pense qu'on a eu des séries très, très rapides pour la plupart. Donc, on va commencer, bien sûr, par les Cataractes de Shawinigan qui menaient 3-0 la dernière fois qu'on s'était rencontrés. On remportait un autre match. Encore une fois en prolongation par la marque de 2-1. Donc, les Tigres ont vraiment vendu chèrement leur peau. Dans les deux derniers matchs, on est allé en prolongation. Malgré tout, c'est vraiment les Cataractes qui ont été capables de capitaliser et de remporter finalement la série par 4-0. Ouais. Donc, oui, c'est 4-0, mais non, les Cataractes ne l'ont pas eu facile. Ça a quand même été des très, très bons matchs, là, les deux derniers matchs qu'on a eu à Victoriaville. Ben, j'ai vu la dernière partie à Victoriaville. Ça s'est fini en prolongation, mais le gardien a eu 52 tirs. Ouais, Kevin Poulin a fait de l'excellent travail. 52 tirs en tout dans le match contre des Cataractes. Ouais. C'est pas facile. Donc, vraiment, Kevin Poulin qui a soutenu son équipe pendant toute la durée de ces deux parties-là. Donc, ça se pourrait-tu qu'il soit le seul responsable ben des non, quand succès même pas. Des Tigres, non? On a Nestracil, on a des très bons joueurs qui ont contribué là, au beau jeu là, des Tigres. OK. Maintenant, on va parler des Voltigeurs, eux aussi, qui ont eu une série beaucoup plus facile, par exemple. ouais. Ont remporté le dernier match, encore une fois, par la marque de 9-3. Finalement, on parlait la semaine passée, je sais pas si tu te rappelles, d'Annick Paquette, l'avant-dernier match, qui avait frappé ouais, un là, joueur un peu. Ouais, avait scellé un coup pendant que le joueur était déjà à terre. Ben, on l'a suspendu pour 5 matchs. Donc, dès la saison prochaine, là, en début de saison, il va commencer okay, sa ouais, donc sa okay. suspension de 5 matchs. Probablement qu'il fera plus partie des Maniacs de Lewiston. Il sera probablement échangé cet été là, dans un des clubs qui va se prier aux honneurs. C'est une bonne valeur là, d'Annick Hudon-Paquette pour quelqu'un qui va aller chercher. C'est certain. C'est un joueur qui est capable d'amener du caractère dans l'équipe. Puis en même temps, ben, je pense qu'un très bon joueur pour compter des buts. Ça, ouais, ouais. Donc, les Voltigeurs qui l'ont apporté facilement par la marque de 4-0. Du même fait, le premier marqueur de l'équipe, Yannick Riendeau, a été dans le fond invité par les Bruins de Boston ouais. À son camp. Donc, félicitations. Ben, il a pas été invité, il a été signé. Il a été signé 3 ans, ouais, un contrat deux volets au salaire minimum là, dans ouais, le fond là. Mais il va tu faire l'équipe ou il va s'en aller pour le club école là, Providence je pense pas ben personnellement ouais Providence ou peut-être même dans l'East Coast là. Dans l'East Coast peut-être mais l'East Coast je pense que tant qu'à ça il va peut-être ben non écoute ton salaire minimum est quand même de 500 000 $. C'est sûr que tu fais 15% de ça dans tes mineurs, mais au moins t'as la chance pendant 3 ans d'essayer d'aller au gazon. Il faut travailler un peu dans la vie, Pierre-Luc, même ben si oui. on commence de plus bas. Ah, c'est ça. Donc, si on regarde maintenant du côté de Québec, les Remparts qui avaient perdu le dernier match par la marque de 4-3, on est retourné à Baie-Comeau, l'ont emporté par la marque de 5-2. Et quand on est retourné à Québec devant 11 045 personnes, les Remparts l'ont facilement emporté par la marque de 7-1. Donc, les Remparts accèdent aussi à la deuxième ronde. Ils l'ont remporté la série par la marque de 4-1. Si on regarde du côté de Rimouski, une série qu'on s'attendait peut-être à avoir un petit peu plus d'adversité de la part des Saguenayens, ça n'a pas été le cas. L'Océanique qui l'a facilement emporté dans le dernier match par la marque de 4-3. Donc, l'Océanique remporte la série 4-0. Si on regarde du côté de Gatineau, les Titans qui ont donné quand même beaucoup plus d'adversité là, dans les deux derniers matchs. D'adversité? De oui. difficulté? De difficulté. Adversité, c'est pas le bon mot. Non? Non, on prend pas mal, Pierre-Luc, mais c'est pas le bon mot. Adversité, c'est quand c'est comme... Tu montres de l'adversité. L'adversité, non? c'est comme plus mélangé. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas tout à fait ça. En tout cas, ça gueulera pas. Bon, mais... En tout cas, regarde, on revient avec ça par rapport. Ouais, c'est ça. Je vais appeler un linguiste. Le petit Robert va nous dire ça. Donc, c'est ça. Donc, victoire des Olympiques de Gatineau, 4-1 dans la série. Le dernier match a été beaucoup plus difficile, là, toujours à l'Acadie Batters, alors qu'ils l'ont emporté difficilement par la marque de 4-3 en prolongation. Donc, les Olympiques qui accèdent aussi à la deuxième ronde. Si on regarde du côté de Montréal et contre les Huskies de Rouyn-Noranda, une très, très grosse série. Ça s'est fini en seulement 6 matchs. Le junior de Montréal qui l'ont emporté. On s'attendait pas à ça. Non, pas à tout. Les pas deux, tout. On pensait que le junior allait même pas se classer pour la deuxième ronde. Ben, ils nous ont surpris. Ils ont remporté là, l'avant-dernier match 7-0 là, à Montréal. Donc, ça a été vraiment là, un gros push pour l'équipe là, de remporter ce match-là. Ils sont revenus fort aussi à Rouyn-Noranda. Ils ont remporté par la marque de 4-3, ce qui éliminait du même coup les Huskies de Rouyn-Noranda. Ouais, le junior de Montréal qui remportait d'ailleurs la première série de leur histoire. Avec St. John's? Ben non, si on regarde là, le junior de Montréal, ouais, c'est ça. OK, en incluant les années St. John's. La concession, vraiment, a gagné la première série dans l'histoire. Non, mais tu parles en incluant les années à St. John's? Oui, incluant les années à St. John's. Ah bon, mais ben, c'est ça. Donc, c'est vraiment la concession qui remporte la première série de leur histoire. Ce que Pascal Vincent disait, c'est que le fait qu'Esposito n'est pas là, ça a forcé les gars, au lieu de tout le temps comme la donner à Esposito, puis de le regarder aller, Esposito va être capable, Angelo va être capable de travailler plus ensemble. Puis c'est probablement pour ça qu'ils l'ont remporté. Sans dire facilement, je pense qu'ils ont joué du très bon hockey. Ils ont joué du très bon hockey. Ça, c'est certain. Si on regarde du côté des Maritimes maintenant, les Wildcats de Moncton qui avaient perdu le quatrième match face aux Rockets de l'Île-du-Prince-Édouard par la marque de 5-4. Mais quand même, les Wildcats se sont relevés au cinquième match et l'ont emporté par la marque de 4-3 sur le Rocket, ce qui les amenait donc la victoire pour la série par la marque de 4-1. Si on regarde du côté de St. John, ça a été une série beaucoup plus facile à laquelle on s'attendait. Ouais, ouais. Les Screaming Eagles qui l'ont facilement emporté les 4 matchs. Donc, les Sea Dogs qui se retrouvent du même coup éliminés. C'est ça. Donc, on s'attendait peut-être à avoir un petit peu plus là, de difficultés face à cette équipe. Ouais. Mais finalement, les Sea Dogs qui n'ont pas vraiment montré de signe comme étant une équipe capable... d'aller loin en série. Ben, les gars, je pense qu'ils ont plus visé pour la prochaine. Ça sera pas pour cette année, c'est sûr. Avec le nombre de joueurs qu'on a donné pendant... Ouais, c'est sûr. Il fallait s'attendre à ça. Donc, si on regarde du côté des prédictions, mon Nicolas... Vas-y. Nos prédictions qu'on avait faites il y a 2 semaines. Oui. Donc, tu es en avance. Yes, sir! Par la marque de 11-9. Oh. Donc, seulement 2 points en avant. Ça peut changer vite quand même. On va vérifier ça dans les prochaines semaines avec nos prochaines prédictions. Et où que tu as gagné des points sur moi, c'est vraiment dans la série de l'Océanique, alors que j'avais prédit qu'elle allait gagner en 5, tu avais prédit en 4, donc tu avais 1 point de plus que moi. Et dans la série Batters-Gatineau, j'avais prédit Gatineau en 4, mais le Titan qui a réussi à en sortir une de leur chapeau. J'avais un feeling. Ah ouais, un gros feeling. Une question de feeling. Donc, 1 point de plus pour toi de ce côté-là. Mais écoute, moi, je suis pas peur partout. Non, t'es confiant. Je suis confiant. Donc, on avait fait un pool sur notre site Internet. Oui, donc, ça. On a une égalité en tête avec 12 points. Maxime Côté et Jean-Philippe Labonté sont tous les deux égaux. Jean-Philippe Labonté, vraiment, a eu beaucoup de séries au nom exact, mais ouais. Je pense qu'il y en a une de moins. On a eu beaucoup de participants? On a eu quelques-uns, là. Par cœur, je peux pas dire, là. Je sais pas par cœur, mais on est très contents, là. Puis, on va leur souhaiter bonne chance. Puis, pour les prochaines semaines. Donc, continuez à participer, bien sûr, là, si vous voulez continuer à ramasser des points. Parce que les prochaines séries continuent à être encore très importantes. Donc, on va regarder du côté de la deuxième ronde. Donc, déjà, les séries se mettent en branle ce vendredi. Les Olympiques, premièrement, de Gatineau qui vont affronter les Cataractes de Shawinigan. Comme tu le sais, Nicolas, les Cataractes, à cause qu'ils ont fini... Ils ont fini deuxième dans le classement général, mais les Olympiques, vu qu'ils ont terminé premier de leur division, ouais. Se classent quatrième au classement. Donc, c'est la raison pour laquelle que les Olympiques de Gatineau vont avoir l'avantage de la glace. Donc, ce vendredi, ça va être à Gatineau, vendredi et dimanche à Gatineau, et on sera mardi et mercredi à Shawinigan. Il y a une très bonne rivalité entre les deux équipes, ouais. Nicolas. L'an dernier, on s'était affrontés lors des éliminatoires. C'est un peu la situation adverse. Les Olympiques qui avaient le gros club, les Cataractes qui travaillaient fort pour réussir à battre les Olympiques. Et les Olympiques l'avaient facilement remporté en 5 matchs. Mais cette année, ça va être une toute autre chose, alors que les Olympiques sont vraiment en situation de négliger. Ouais, négliger. Donc, les Olympiques, les Cataractes qui ont un très, très bon club cette année. Donc, c'est un peu l'envers de la médaille cette année. Les Olympiques de Gatineau qui ont beaucoup de succès aussi à la maison. Donc, ça leur donne probablement un avantage face aux Cataractes d'avoir l'avantage de la glace en espérant que ça aille bien du côté des Cataractes à Gatineau parce qu'on le sait tous. C'est difficile gagner à Gatineau pendant les séries éliminatoires. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, mais c'est une, je dirais une façon de travailler. Une façon de travailler, mais je te dirais c'est inculqué année après année. Le centre Robert Guertin, on dirait qu'à tous les années là, en séries éliminatoires, on réussit à en sortir une de nos une bonne. C'est ça. Donc, Shawinigan, qui est 3e en unité spéciale, ils ont connu 2 victoires en prolongation dans leur première série. Peterson et Lalonde McNichol sont les premiers marqueurs avec 6 points. Et Mathieu Pistilli, qui jouera contre son ancienne équipe, lui qui a gagné la Coupe du Président l'an dernier à Gatineau, va être carrément dans le club contraire, donc va être pour les Cataractes cette année. Ça va peut-être être lui, justement, la différence dans la série. Donc, on va chacun dire notre prédiction comme à la première semaine. Moi, je vais prédire vraiment 1 victoire des Cataractes, mais probablement, difficilement, je crois qu'ils vont l'emporter en 6 matchs moi à Shawinigan. Moi aussi, en 6 matchs. Ah ben là, on va passer à la prochaine. Les Voltigeurs de Drummondville contre le Junior de Montréal. Cette année, les Voltigeurs ont remporté 3 des 4 matchs face aux Juniors. Les Voltigeurs ont quand même 8 meilleurs marqueurs dans les séries éliminatoires. C'est sûr qu'on a eu des gros pointages contre les Maniacs, donc on a quand même beaucoup de buts, beaucoup de passes de leur côté. Si on regarde maintenant là, la série, moi je pense que ça va se dérouler quand même assez facilement. Le Junior qui vont peut-être réussir à en sortir une, mais je crois que les Voltigeurs de Drummondville vont remporter la série en 5 matchs. En 4 matchs. Oui. Ça va être très cool. Parfait. Donc, on regarde du côté de Québec maintenant qui vont affronter les Screaming Eagles du Cap-Breton. Ça va être une grosse série. Les Screaming Eagles qui n'ont pas encore perdu pendant les séries éliminatoires, qui ont gagné les 4 matchs face à Saint-Jean. La clé du succès, par contre, du côté des Remparts, je pense que c'est vraiment le gardien Charles Lavigne qui a livré une très bonne performance dans la première série. Jean-Simon Allard et Benjamin Bro aussi, qui ont chacun accumulé 8 points. Donc, je pense que les Remparts vont réussir à remporter la série par la marque. Je dirais... Attends, je vais te dire le premier. T'as dit 8 points. Vas-y. Remparts en 6. Remparts en 6. Ouais. Moi, je dirais Remparts en 7. OK. On va y aller en 7. Du côté de Rimouski, dernière série des deuxièmes rondes. Donc, les deux sont égalités. Chacun un match de gagné pendant l'année. Par contre, l'Océanique a l'avantage vraiment dans les unités spéciales. Ils sont 2e en ce moment dans les séries éliminatoires. Ils ont 24 victoires en 25 matchs. On continue la bonne séquence qu'on a en ce moment. La dernière défaite à l'extérieur remonte au 17 janvier. Puis ça va être vraiment le match qui va commencer à Moncton. Donc c'est Moncton qui va avoir l'avantage de la glace. Mais Moncton, il joue pas à leur aréna. Non, il joue dans une aréna de 8800 personnes. Ça va peut-être leur faire mal. C'est l'aréna Jean-Louis Lévesque. J'y vais court, là. Je dis Rimouski en 5. Rimouski en 5. Moi, je vais dire Rimouski en 6. Oui, on l'a. Hey, Pierre-Luc, merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. Ben, je voulais juste rajouter qu'Éric Lavigne est congédié. Ouais. Les Foreurs de Val-d'Or et les Sea Dogs de Saint-Jean ont fait la même chose avec leur entraîneur-chef et directeur général. Merci beaucoup. On passe à une pause. Au retour, on parle combat ultime sur les conduites de partie. C'est tout.ca, c'est un portail d'information sur votre radio. Les actualités ultérieures et les spectacles à voir absolument. C'est tout.ca, c'est le palmarès des concours et forums. C'est tout.ca, c'est le site de radio universitaire où vous pouvez visiter de la francophonie. C'est tout.ca, c'est la possibilité d'écouter vos émissions en ligne partout sur la planète. C'est tout.ca, c'est tout ça. Une présentation de vos téléphones. J'ai besoin de recharge! Pas de recharge, c'est moins cher! Tu comprends pas, je suis vraiment à sec! Mais justement, va en recharge, ils vont te ramener ça, eux autres! Et en plus, les prix sont imbattables!

Et c'était les gars sur la piste de danse du groupe Martin Priorité. Ça sonne bien, ça cogne. C'est au deuxième rang du palmarès C'est fou de cette semaine. Il est présentement 10h39. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. On soit présentement en studio, Gabriel Lavallée et JP Giroux, Jean-Philippe. Ça va bien, les gars? Ça va bien. On va parler de combat ultime. Vous présentez Gabriel, toi, t'es propriétaire d'une école de combat ici à Trois-Rivières. Oui. T'enseignes quoi exactement au niveau combat ultime? C'est-tu un art particulier que t'enseignes ou très large comme enseignant? Très large, c'est vaste. C'est plusieurs styles de combat. On va pratiquer surtout le Muay Thai, qui est une boxe thaïlandaise. Okay. C'est du kickboxing. On va rajouter des coups de genoux, des coups de coude, certaines projections au sol. Des clinches, agripper l'adversaire, ce qui est différent au kickboxing. Aussi le jiu-jitsu brésilien, donc okay. Le travail au sol, la lutte, qui est une technique très efficace pour maintenir notre adversaire au sol le moins souvent possible, se retrouver les épaules au sol et aussi amener au sol rapidement notre adversaire. Puis c'est vraiment les trois techniques les plus efficaces là, en combat ultime. Après, c'est sûr qu'il y a le judo, le jiu-jitsu, plusieurs dérivés, mais le milieu, le centre, c'est vraiment ça. OK, vraiment, quelqu'un qui veut performer là-dedans n'aura pas le choix d'avoir vraiment ces techniques-là, de bien les maîtriser. Oui, okay. Effectivement. Okay. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs individus qui vont mieux dominer certains styles, donc ils vont plus se servir de ces styles-là pour espérer gagner un combat. OK. Puis au niveau boxe, je sais que ça rentre-tu un petit peu là-dedans? Tu dois enseigner un peu de boxe à travers oui, ça? Oui, oui, la boxe, c'est sûr, okay. Certain, mais c'est une boxe qui est adaptée MMA. OK, ouais. La plupart des gens là, font pas la différence. Ils savent pas c'est quoi la différence, mais il y a quand même une bonne différence. La position, le point d'appui. Parce que tu peux te faire attaquer différemment dans le fond qu'à la boxe. Okay. Exactement. On peut se faire lancer des coups aux jambes, donc nos jambes doivent pas être placées de la même façon. Aussi, il faut éviter les takedowns, il faut éviter les shoots. Se faire agripper les jambes ou se faire amener au sol. Donc, ça prend un point d'appui qui est plus large. Position donc, du corps de côté aussi pour éviter les coups de poing, les coups de pied. Oui, aussi. Qui est la même chose qu'en boxe. Qui est la même chose qu'en boxe. Aussi, en boxe, on doit rester de côté. OK. Donc, là, quand tu maîtrises, parce que là, JP, là, toi, tu maîtrises, dans quoi tu te spécialises? Ben, c'est sûr que moi, je me considère comme un combattant plutôt debout. Je maîtrise pas d'art en particulier. Disons okay. que c'est un mélange de kickboxing, Muay Thai, boxe. C'est sûr que le Muay Thai, dans ce que je pratique présentement, moi, je combat amateur, fait que les coups de genoux, les coups de coude, on en utilise un peu moins. Puis je te dirais que, d'après moi, c'est la base vraiment du Muay Thai, là, les coups de genoux, les coups de coude. Fait que on s'adapte un petit peu avec les règlements de la fédération. Là. Okay. Au niveau amateur par rapport au niveau professionnel, il y a beaucoup de différences, là. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que les règles sont sensiblement les mêmes. On a le droit, dans le fond, au takedown, pas le droit au cou en arrière de la tête, pas le droit de takedown sur la tête, pas le droit, en fait, en amateur toujours, là, pas le droit au coup de coude, pas le droit au coup de genou. La seule différence, dans le fond, avec le professionnel, je pense, sensiblement, c'est ça, là, c'est les coups de genou, les coups de coude, puis la grosseur des gants. En fait, le reste, je pense que c'est pas mal la même chose. Puis, étant donné, c'est ça qu'il y a certaines restrictions comme ça au niveau amateur, ce que je fais, c'est, bon, je pratique le Muay Thai, je pratique le kickboxing, je pratique la boxe, mais en gros, ça ressemble plus à du kickboxing, justement, parce qu'on n'a pas le droit au coup de genou, okay. Au coup de coude. OK. Puis, éventuellement, tu penses-tu passer, vu que tu aimes le Muay Thai et tout ça, passer dans un beau professionnel ou... Ben, éventuellement, je pense que oui, là. C'est sûr que Jean-Philippe... On va vendre ça à l'autre. Ouais, c'est sûr que Jean-Philippe a énormément de potentiel. Il n'a pas perdu encore. Il est à 3 victoires, dont un combat gagné en 58 secondes, je crois. Oh. Ouais. Ah ouais, qu'est-ce que tu as fait? Jean-Philippe, ça fait pas longtemps qu'il fait ça. Ça doit faire à peu près 6 mois. On a fait un gros travail avec lui. Il apprend très vite. C'est un gars qui est très intelligent. Il était même pas... à l'école. Ouais. J'en doute pas. c'est quelqu'un qui va aller loin là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel puis il y a beaucoup de chances de continuer puis de faire quelque chose de gros avec ça. Une bonne carrière. Ah, ça va être intéressant à suivre. Quand on parle de combat ultime, il y en a gros qui ont des préjugés par rapport à ça. On peut attendre, je pense, tout de suite à une Ginette ou une Gertrude qui va dire que c'est un sport de barbare, que ça s'entretue. Mais tu sais, je lisais un peu là-dessus. Puis oui, il y a eu une grosse évolution si on compare le premier UFC Mettons, on est rendu au centième UFC, juste au niveau des règlements, au niveau de la façon de se battre, au niveau de la qualité aussi des combattants qui sont, à mon avis, d'après moi, le plus... plus perfectionné, le rare est plus perfectionné, ça se pourrait-tu ou je suis à côté de la traque? C'est des athlètes maintenant. Vraiment. Ouais, hein? Vraiment, vraiment, l'entraînement est vraiment différent aujourd'hui, aussi l'implication est différente, la demande est différente, tout est différent. En fait, ça a vraiment évolué, le sport. Un peu comme le skateboard quand ça a commencé avec des longs decks, des skates bananes avec des grosses roues, là, ça a évolué, le sport a évolué. Du linge pastel, non, c'était vraiment pas des bonnes années. Ouais, ouais, le sport a évolué, puis après ça, tout est venu avec, c'est un peu comme le combat ultime aujourd'hui. Tout vient avec, c'est un sport qui est vraiment en demande. Puis c'est sûr que les gens qui connaissent pas ça, qui en ont jamais vu, puis qui entendent parler de ça, combat extrême, combat ultime, bon, eux autres, ils... C'est sûr que peut-être qu'ils ont une mauvaise image de ça, mais c'est sûr que les gens qui suivent ça, les gens qui connaissent ça, surtout ceux qui connaissent nos athlètes, nos champions d'ici au Québec, je pense qu'ils ont une autre image de ça. Puis je pense que c'est un sport qui est en augmentation. Tu dois commencer à avoir de plus en plus de demandes là, pour travailler avec ton équipe, des trucs comme ça. C'est sûr, à toutes les semaines, là, il y a des teams de l'extérieur qui m'appellent pour participer à leur compétition. Moi, mes combattants combattent le plus souvent possible. Du moment qu'ils ne se blessent pas, ils peuvent combattre. Si c'est à toutes les semaines, ils vont combattre à toutes les semaines. OK, il n'y a pas de restriction au niveau non, temps. Non, okay. Plus qu'il y en a, mieux que c'est. Là. Moi, je pousse mes gars, puis on s'entraîne fort. Nous, notre entraînement, c'est du combat, peut-être à 80%. Donc, quand on arrive dans le ring, on est habitué de le faire. C'est comme ça qu'on s'entraîne. C'est vraiment ça qui fait la différence, je pense, ouais, comparativement aux autres gyms. Aux autres teams qui sparring, peut-être pas assez. Ouais. Les autres teams, ils vont s'entraîner, ils vont faire du jiu-jitsu, ils vont faire la boxe, ils vont faire la lutte. Ils pratiqueront pas comme nous, avec les gants de combat ultime, sur le ring, à pratiquer vraiment le sparring. C'est sûr qu'on ne pratique pas toujours à 100% parce qu'on serait toujours blessé, mais on va pratiquer peut-être à 80%, nous, ceux qui sont habitués. Ça se peut que JP rentre avec un œil au beurre noir un matin. Il faut faire la différence aussi. Là moi, je suis dans une situation où je fais des combats. Mais il n'y a pas juste ça au gym aussi. Là. Premièrement, il y a un cours de kickboxing qui est constitué quasiment à plus que 50% de filles. OK, OK. C'est un cours qui est vraiment cardio. C'est un cours qui est axé sur la technique. Ils font quasiment pas de sparring. Ils échangent ensemble, c'est-à-dire qu'ils se donnent des coups. Avec un coussin ou quelque chose comme Ça. Oui, c'est ça. Ben, des fois avec des gants, mais des gros gants. Mais c'est pas axé sur le combat. Là. C'est-à-dire que si il y a des gens, n'importe qui peut venir se mettre... C'est une très bonne façon de se mettre en forme, c'est-à-dire que ça travaille tous les muscles du corps. Puis pour la plupart des gens qui vont faire ça, vous allez avoir des commentaires comme... En tout cas, moi, quand j'ai recommencé à faire ça, là, j'ai découvert des muscles que je savais même pas qu'ils existaient. J'avais mal à des places que je savais même pas qu'il y avait des muscles là, en tout cas. Fait que, tu sais, ça peut être une bonne façon de s'entraîner aussi, pas nécessairement de... Ça, juste le training, l'entraînement de tout ça va déjà te donner beaucoup. Ça peut faire changement de lever des poids. C'est ça, je m'allais dire. Puis, fait différent d'un gym que t'es tout seul. De courir sur une piste en rond puis de voir tout le temps les mêmes murs. Ouais, tu me parlais de filles tantôt. Gabriel, t'as-tu la chance de travailler avec beaucoup de filles dans ton club ou Ouais, quand même. Ouais? Qui vont combattre Très rare. OK. Parce que je me demandais, j'ai vu, là je pourrais pas te nommer son nom, là, mais j'ai vu un combat, ça se peut-tu dans Elite XC, qui existe plus, ça se peut-tu, en tout cas, deux filles qui se sont affrontées, puis je dois dire, ça a été le combat de la soirée. Mais il y a Chris Cyborg aussi, je sais pas si tu connais, qui s'est battu dernièrement à Inferno, là. Dans une box là, de feu, là, vraiment. Là. Ah ouais, OK. Oh, ouais. Je pourrais pas dire c'était une petite... elle était habillée en noir, petit cheveux noir. En tout cas, elle était vraiment... Là, elle a dominé son adversaire, mais c'était impressionnant. Puis, tu sais, c'est sûr que jamais elle aurait affronté des hommes, là, parce qu'au niveau... Ben, même classe, force pour force, c'est même pas proche, mais au niveau spectacle, c'était tout aussi bon, là, vraiment. Une innovation debout, puis c'était super intéressant. Là, on parlait de ligue, là, je viens de nommer Elite XC, je pense qu'il existe plus, qui ont fait faillite. Est-ce que tu avec c'était eux autres avec Kimbo Slice là, le batailleur de rue. C'était pas WEC avec Kimbo Slice. Non, ben c'est sûr que Kimbo Slice il participe dans plusieurs fédérations. OK. OK. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas grave, personnellement je considère que ce gars-là était surestimé à 100% là. C'est pas parce que tu fais des combats sur YouTube que tu sais te battre avec ça. Non, mais faut dire que Kimbo Slice c'est un excellent combattant, c'est pas parce qu'il a perdu une fois. Que c'est un mauvais combattant. Okay. C'est dû à tout le monde de perdre. Georges St-Pierre, il a perdu, c'est le meilleur combattant livre pour livre sur la planète. Kimbo Slice, il a perdu une fois, il s'est fait éclater une oreille. En ce moment, il n'est pas prêt pour combattre. Mais moi, je gagerais sur Une victoire prochainement de Kimbo Slice. OK. Il faut dire aussi qu'il y a une nouvelle fédération au Québec qui est sortie, ça s'appelle Strike Boxing, je pense. Oui, exactement, Strike Boxing. Puis ça, c'est une fédération de combat, mais qui est axée sur le combat debout. Et puis Steve Bossé va probablement évoluer dans cette fédération-là. Mais c'est Stéphane Patry, je pense, qui est à la tête de ça. C'était avant TKO, il y avait TKO. Ouais. Là, je pense que c'est fini pas mal, TKO. Là. Puis justement, il est reparti avec ça. Puis en tout cas, nous autres, on pense qu'il va probablement essayer d'amener Kimbo Slice. Parce que justement, comme il disait, lui, c'est un combattant debout. Là, et Kimbo Slice, là, il a une bonne boxe. Ouais. Là, ses points, là, c'était carrément. C'était au sol que c'était un peu plus difficile dans son cas. Mais s'il est bon pour défense, bon pour contrer les soumissions, puis pour tomber dans des bonnes positions, c'est un gars qui a beaucoup de force physique puis beaucoup d'agressivité. C'est vraiment un prédateur. Là. C'est vraiment quelqu'un à ne pas sous-estimer. Je pense que la dernière fois qu'il a perdu, il a sous-estimé son adversaire, justement. Parce qu'il était rentré, c'était un remplaçant, exactement. Je pense. Ouais, hein? Dernière minute, ils ont changé le combat. C'était un gars qui n'était pas dans la bonne catégorie. Là, il était plus léger, donc plus rapide. Et puis, Kimbo Slice l'a tout simplement sous-estimé. Puis, c'est normal en combat. Faut jamais sous-estimer son adversaire. C'est la pire chose à faire. Je pense que Jean-Philippe Giroux est un très bon exemple. Parce que je pense que la plupart de ses adversaires le sous-estiment quand il arrive dans le ring. Il n'a pas l'air de skier. Si on le regarde dans la rue, si on le regarde au gym, on oublie ça, là. Première impression qu'il nous donne, c'est un gars qui étudie à l'université, qui est bien tranquille. C'est sûr que c'est le cas. Mais c'est un athlète... qui est vraiment extraordinaire. Parce que moi, je me rappelle, je savais pas que tu faisais ça la première fois que j'ai vu. Je te vois rentrer à l'école, au beurre bandage autour de la tête. Je fais, qu'est-ce que t'as-tu frappé un autobus en fin de semaine? Il dit, non, je me battais. Tu te battais, en combat type. Puis là, j'ai dit, OK. Puis là, je vois ma galère, je dis, ça n'a pas bien été. Oh non, j'ai gagné, tout a bien été. Je dis, OK, écoute, content avec, là. Ben, comme tu dis, JP, t'as absolument pas l'air de ça, là. Pour t'avoir vu avec ta blonde, puis tout, puis t'avoir vu danser un certain soir, t'as l'air d'un nounours funé, là. On n'en parlera pas trop. Le nounours, c'est une vraie bête. Ouais, c'est ça. Il passe de nounours à grizzly. Ouais. Ça, c'est une préparation d'avant combat, puis de se mettre focus, puis d'être bien concentré sur sa proie. Exactement, c'est l'entraînement. C'est le fait d'en avoir fait, comme il disait déjà, là. Juste le fait de prendre des coups avant le combat. C'est, comme on disait, ça revenait à ce qu'on disait tout à l'heure. Les gars des autres gyms, des fois, justement, parce que c'est des gyms plus commerciales ou des choses comme ça, tu sais, ils font, je m'en ai dit, trop attention, mais ça dépend toujours de l'idéologie des gens qui ont le gym, là. Mais en tout cas, Gab, avec ses fighters, il nous pousse, tu sais, puis, c'est pas en arrivant dans le ring au combat de la soirée qu'on va manger les premières tapes qu'on a mangées. On en a déjà pris une coupe avant d'arriver là. fait que la plupart des gars, tu sais, des fois qu'ils n'en ont pas pris tant que ça, ils arrivent dans le ring, ils en mangent une ou deux, puis ils sont comme, oh, tu sais, ça les shake un peu. D'après moi, c'est ça qui fait la différence. Il faut absolument qu'un athlète soit habitué de se faire frapper. Un athlète de compétition, faut qu'il sache comment réagir. Parce qu'un athlète qui va arriver en combat, qui va manger des coups, il va prendre des coups, il réagira peut-être pas de la bonne façon. Il va peut-être paniquer. Il va peut-être faire des moves qui vont pas l'aider. Au contraire, qui vont le nuire. Ça, c'est des réflexes, c'est des habitudes qu'on a qu'il faut casser. Qu'il faut casser de... En le faisant, en pratiquant. Ouais. C'est comme ça qu'on développe la garde. C'est comme ça qu'on développe des bonnes habitudes. Et puis, ces habitudes-là deviennent vraiment simples et puis beaucoup plus faciles ensuite de dominer un combat. Vas-y, Pierre. Oui, vous êtes monté à Québec dernièrement. Je voulais savoir comment ça s'était passé. Vous avez affronté le Nordic Fight Club. Jean-Philippe, je pense que tu avais un combat là-bas. Comment ça a été? Ah ben c'était une vraie guerre là, d'après moi là, j'ai pogné un adversaire qui était bien entraîné, je pense. On s'est échangé, je dirais pas coup pour coup, mais tu sais, j'ai donné une bonne performance, puis je pense que mon adversaire aussi. Est-ce que t'avais remporté? Ouais, j'ai remporté. Puis je pense que c'est le fait d'avoir emmagasiné un peu de l'énergie tout au long du combat. Puis le fait de l'avoir fait exploser dans, disons, les 30 dernières secondes qui a fait que j'ai gagné. Okay. Puis le club Noctogone en tant que tel, est-ce qu'il a bien figuré quand même face au Nordic Fight Club? Très bien. Ouais. Sur 6 combats, on a eu 2 victoires. OK. Mais 2 très bonnes victoires. Et puis je pense qu'il n'y a pas une défaite qui n'a pas mal paru. OK. C'est tous mes 4 autres combattants qui ont perdu leur combat, qui ont donné des très bonnes performances, qui ont été applaudis par la foule. Puis il n'y a personne qui a mal paru là-dedans. Non, c'est ça. Tant que tu parais pas bien, la défaite, quand tu te bats bien, quand tu travailles bien, l'effort est là et il n'y a pas de raison d'avoir honte. Hey, je vais en parler un petit peu. Bon, au Québec, on le dit, là, on a quand même Patrick Côté, Georges Saint-Pierre, Jonathan Goulet. Là, on a UFC 97 qui s'en vient ici à Montréal. C'est en avril, je me trompe pas. Là, j'ai pas la date exacte dans le cerveau. Je pourrais pas te dire. Non, en tout cas, 18 avril. 18 avril, OK. Donc, 18 avril, UFC 97. Je pense qu'il y a juste Goulet qui se bat sur ce combat-là. Je sais que, en tout cas, la carte principale, c'est Anderson Silva contre Thales Lychus. J'espère que je l'ai bien dit. Chuck Liddell contre Marco Rua. Donc, grosse carte là, pour UFC 97. Puis, la différence, personnellement, entre le UFC puis la boxe, c'est que UFC ont vraiment un fan club, mais vraiment leurs fans sont vraiment hardcore, sont vraiment, donc ils vont vraiment traverser, monter de New York pour aller voir ça ici, tandis que au niveau boxe, il y en a un peu moins. Ça devrait être pas pire en tant que tel. Je sais pas s'il y avait, t'entrevois des prédictions au niveau de ces deux combats-là, ou si, je sais que Chuck Liddell vient de perdre 3 de ses 4 derniers matchs. Est-ce que tu dis que c'est à la pente descendante ou... Ça veut rien dire. C'est sûr que, bon, si on regarde ça de cette façon-là, oui. Mais il y a toujours des surprises qui nous attendent dans le milieu. Toujours, toujours, toujours. On peut jamais savoir ce qui se passe. Le combat ultime, c'est facile à gagner, c'est facile à perdre. Mais écoute, il y a des mauvaises périodes, il y a des bonnes périodes pour tous les athlètes. Puis il suffit de savoir quand accepter les combats. C'est bien beau d'accepter des combats, mais si on fait le moins dans cette période-ci, vaut mieux refuser. Je pense qu'il y a des athlètes qui, par orgueil ou par honneur, vont jamais refuser un combat, vont tout le temps se battre. Ça leur donne de l'expérience. Un combat perdu, c'est pas... T'es jamais perdant. Tu gagnes là-dedans. Je veux dire, tu prends de l'expérience. Les erreurs, tu les refais pas 2 fois. La meilleure personne qui serait qualifiée pour en parler serait Georges Saint-Pierre. Ouais, c'est ça qu'on. Vraiment. Parce qu'il avait perdu contre Matt Hughes, puis il a perdu contre Matt Serra aussi. C'est sûr que moi, c'est facile d'en parler, c'est facile de savoir. Moi-même, je suis combattant. J'ai commencé dans l'amateur, maintenant, je suis combattant professionnel. J'ai pas tout gagné mes combats. J'ai gagné la plupart des combats, mais j'en ai déjà perdu des combats, je sais c'est quoi. Puis Georges aussi le sait, puis je pense qu'il n'y en a pas un qui le sait pas. Ouais, mais ça l'avait ramené sur la terre. Moi, j'en connais pas un qui n'a pas perdu. C'est sûr que si on revient à Kimbo Slice tantôt, il n'y en avait pas vraiment perdu. En tout cas, moi, je suis pas au courant, mais il y en a perdu un à son dernier combat. C'est juste une défaite, ça. OK. Et puis ici, à Trois-Rivières, vous organisez un événement le 25 avril prochain. Ça s'appelle Trip to Hell. Tu veux nous en parler un petit peu? Trip to Hell, qui va se dérouler le 25 avril prochain. J'ai une grosse carte. Ça, c'est sûr que c'est tous mes meilleurs combattants qui vont fêter. Beaucoup de combattants de l'extérieur. Sherbrooke, des forces extrêmes. Victoriaville, Légion, Québec, c'est le Nordic Fight Club, Granby, Speedy Gym. Ça, c'est sûr que c'est les plus grosses écoles. Après ça, il y a d'autres écoles comme... Oui, Victor va venir. Ben, il y a Drummondville aussi du Team Bergeron qui est une grosse école. Eux autres vont participer. Laval, de l'école de Fernand Morneau. Oui, très gros. Partout au Québec. Et puis, beaucoup plus de place qu'au D'Artagnan. Si on regarde l'événement du D'Artagnan qui s'est passé le 16 janvier dernier, 500 personnes dans le Dart. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'ont pas vu l'événement. Parce que quand ça se retrouve au sol, les gens qui étaient en arrière... je pense qu'ils ne voyaient pas très, très bien, mais ils ont été avertis à la porte. Là. On a refusé 200 à la porte. Les gens voulaient rentrer quand même, même s'ils étaient avertis qu'ils n'allaient pas voir grand-chose. C'est sûr que le prochain événement, le 5 avril, se passe au gouverneur, beaucoup plus de place. Combien, potentiellement? À peu près 700 personnes, 700 personnes. Ouais. Okay. Bon, hey, et puis, en finale, on manque de temps, là, mais si les gens veulent des billets, quel numéro? Puis s'ils veulent te rejoindre, toi, pour avoir des cours, puis s'initier à ça, aux arts martiaux professionnels? Les billets, les cours, c'est la même chose. Info 819-244-7455 dans le 819-244-7455. Les billets, c'est 20$ en pré-vente. Il y en a à 40, il y en a à 35, il y en a à 30, selon les places. C'est un gros événement à ne pas manquer. Ben, merci beaucoup. Ça. Merci beaucoup, les gars. Hey, Gabriel, JP, on va vous souhaiter bonne chance pour l'événement, pour vos prochains combats. On se laisse en musique avec la chanson La Faculté du groupe de Pépé et sa guitare. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là cette semaine. On vous souhaite bonne semaine. On irait en musique à l'université seulement pour les musiciennes. Moi, je trippe pas trop technique, j'aime bien la simplicité. Mais ça vaudrait peut-être la peine. Fait que je m'en vais en musique et j'espère rencontrer une jolie musicienne, une petite romantique qui serait pas trop coincée, une femme un peu comme la tienne. Dans les locaux de pratique à la faculté, il y a beaucoup de belles musiciennes. Moi je suis là pis je panique, pas capable de me concentrer. Laquelle qui va être la mienne? Je l'ai vu une sympathique, puis je dis ça à André, qui m'apprend que c'est la sienne. Puis je vois du pas Patrick qui part accompagné, qui me dit à la semaine prochaine.